J'ai trop de cœur et ça me trahit. Mon âme se croise dans l'impérissable. M'arrache en flamme, casse le jérical. Indigne toi devant l'éternel. Cet éternel pincement qui comprime tes poumons lorsqu'on t'arrache les ailes. Le cœur rempli de peine, l'amour me semble futile. Les drames sont tels qu'on les conçoit en bas de ta haine. Et bien avant que ma vie s'enchaîne, man, sache qu'on a marre d'être docile. J'ai trop de cœur et ça me fait mal. J'ai trop de cœur, ce qui rend mon ardeur plus prévisible. On me sent sans pas, même quand le coupable c'est pas moi, lit dans mon regard. Depuis peu la flamme de l'espoir ne s'éclaire plus. Je crois plus en l'individu dans ma solitude. Les jours c'est gris, c'est mon aspect en a pris un coup. Je retrouve ma sale gueule des temps maussades et me v'la reparti pour un nouvel exode. J'ai trop de cœur, ce qui rend mon sens du contact peu perceptible. Et je m'esclave devant ce rêve qu'est l'indivisible. J'ai trop de cœur, ce qui cause du tort à ma mère. Malgré les efforts fournis, elle doute de ma bonne foi pendant que mon cœur se perd fort. Bon, c'est vrai que les jours s'enchaînent et que je ne peux fuir le temps. Mais oublierait-elle qu'il eut des guerres centenaires? J'ai trop de cœur, même quand l'amitié se fout de ma gueule. Le KRE, c'est une goutte de nitro dans ton transistor. Attristé, distant, on me distingue fiston par l'insistance que je place dans mes investissements. L'absorption de substances prohibées n'a rien arrangé au problème. Au contraire, elles n'ont fait qu'accentuer ma haine, brûle, catharsis. N'as-tu donc pas assez de sang sur les mains pour que tu viennes rougir les miennes du sang d'un innocent? Le cœur rempli de peine, l'amour me semble futile. Les drames sont tels qu'on les conçoit en bas ta haine. Et bien avant que ma vie s'enchaîne, man, sache qu'on a marre d'être docile. J'ai trop de cœur et ça me fait mal. J'ai trop de cœur et ça me trahit. Mon âme se croise dans l'impérissable. M'arrache en flamme, casse le jérical. Indigne-toi devant l'éternel. Cet éternel pincement qui comprime tes poumons lorsqu'on t'arrache les ailes. Le cœur rempli de peine, l'amour me semble futile. Les drames sont tels qu'on les conçoit en bas ta haine. Et bien avant que ma vie s'enchaîne, man, sache qu'on a marre d'être docile. J'ai trop de cœur et ça me fait mal. Si je n'attends rien en retour, n'attends rien de vos tours. Garde le silence à mon absence de reconnaissance. Qui parmi vous a su me dire merci jusqu'à aujourd'hui? Rien que des regards aigris. Je n'ai que mes larmes pour penser me plaît. Tant de déceptions, tant d'urcis les traits. Mais j'ai trop de cœur et ça me fait mal. J'ai trop de cœur que je nourris ma hargne dans ta peine. Je veux plus être victime de ce pêle-mêle avant que ça se passe mal. Tu sais devant la merde, j'ai pas la gaule, je vis dans l'illégal. Mate ma sale gueule, négro, j'ai tout d'un mec instable. J'ai trop de cœur, qu'est-ce taille toute. Dur d'entretenir une relation durable, que faire d'un mec peu fiable sortant de tôle. Si seulement j'avais pu retomber dans cette enfance flippante, je me serais accroché à la pente avant de me mettre une balle. Tu sais, chaque jour s'empire et tout devient flou que j'en perds la tête. C'est bien l'obscurantisme de ma vie que je cherche à fuir, ça pue port dans les blocs. La sudation qui s'écoule de mes portes démontre à quel point la vie peut être hardcore au sein des tiens. J'ai trop de cœur que ça tue. J'ai trop de cœur que ça me tue. Ouvre donc cette porte qui m'évadera de cet enfer. J'ai mal que j'en perds mon souffle. J'suis à bout de souffle de voir à quel point les gens peuvent faire du mal. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure, je suis fatigué. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme moi ne sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps. Vous comprenez? J'ai trop de cœur et ça me trahit. Mon âme se croise dans l'impérissable. M'arrache en flamme, casse le jérical. Indigne-toi devant l'éternel. Cet éternel pincement qui comprime tes poumons lorsqu'on t'arrache les ailes. Le cœur rempli de peine, l'amour me semble futile. Les drames sont tels qu'on les conçoit en bas ta haine. Et bien avant que ma vie s'enchaîne, man, sache qu'on a marre d'être possible. J'ai trop de cœur et ça me fait mal. J'ai trop de cœur et ça me trahit. Mon âme se croise dans l'impérissable. M'arrache en flamme, casse le jérical. Indigne-toi devant l'éternel. Cet éternel pincement qui comprime tes poumons lorsqu'on t'arrache les ailes. Le cœur rempli de peine, l'amour me semble futile. Les drames sont tels qu'on les conçoit en bas ta haine. Mais la mort ma vie s'enchaîne, man. Sache qu'on a marre d'être docile. J'ai trop de cœur et ça me fait mal.